Il s'agit d'un lévite. Les lévites étaient des serviteurs de Dieu consacrés pour l'œuvre du sanctuaire. Ils ne pouvaient pas s'allier au mariage avec n'importe qui. De manière habituelle, les lévites épousaient des vierges. Mais ici, nous voyons un lévite qui va prendre pour concubine. Vous voyez, il s'agit même du concubinage. C'est un lien qui n'est pas normal. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu es en train de vivre avec une jeune dame. Ça fait plus de 5 ans. Vous n'êtes pas marié légalement. Vous n'êtes pas béni. Est-ce que tu trouves cela normal? Et comment continues-tu à servir l'Éternel dans cet état-là? Je vais parler à une jeune sœur. Regarde bien. Tu sers le Seigneur, tu es même engagé, tu es chantre, mais tu es en train de vivre dans une situation immorale, une situation qui n'est pas régulière. Comment tu t'étonnes des problèmes que tu vis alors que tu vis une situation anormale? Il est dit au verset 1, « Dans ce temps-là où il n'y avait point de roi en Israël, un lévite, vous voyez, on parle d'un lévite, c'est un homme de Dieu. » C'est lui qui enseigne la parole de Dieu. On dit un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Donc vous voyez, donc il y a compromission. Faisons attention. Et on dit sa concubine fut infidèle et elle quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda où elle resta l'espace de 40 mois. Quand il y a confusion, on ne peut pas dire maintenant qui a raison, qui a tort. Donc d'abord, le lévite, il avait tort du fait que lui, un serviteur de Dieu, il va s'allier, il va prendre une concubine de la maison de Juda, parce qu'il croit encore. Et cette dernière, elle vit dans l'infidélité. Vous voyez, quand on vit dans une situation d'irrégularité là, tout peut arriver. Lui, il a fait un mauvais choix et cette dernière, elle vit dans l'infidélité. C'est-à-dire, elle vivait comme une prostituée. Elle était infidèle. Pendant qu'elle cohabitait avec quelqu'un d'autre, elle continuait à sortir avec quelqu'un d'autre. Je vais parler à quelqu'un. Toi qui te dis tu es même marié, tu ne peux même pas rester fidèle à cet homme-là. Et tu continues à le tromper. Même dans la maison, vous êtes ensemble, tu continues à faire entrer d'autres hommes. Tu devrais avoir honte quand même. Tu n'es pas quand même une bête. Si tu connais le Seigneur, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Éloigne-toi de cette vie-là. Deuxième vérité, en tant que parents, nous ne devons pas encourager le péché de nos enfants et surtout l'immoralité de nos enfants. Regardez ce qui se passe dans ce texte. Cette concubine du jeune lévite est partie chez ses parents parce qu'elle a commis l'infidélité. Mais ici, le texte ne nous dit nulle part où ses parents lui ont reproché pour lui dire, par exemple, « Notre fille, la vie que tu mènes n'est pas bonne. » Non, ses parents l'ont reçu calmement. Et quand son mari, ce qu'on appelle ici son mari, les lévites est venu, ils l'ont reçu avec joie, ils lui ont donné à manger. Vous voyez, une vie de compromission, une vie de tolérance dans les péchés. En tant que parents, si nous aimons nos enfants, nous ne devons pas couvrir les péchés, nous ne devons pas encourager les péchés, nous devons leur montrer la voie qu'ils doivent suivre. Lorsque l'enfant vit dans l'immoralité, on peut le reprendre, on doit même le reprendre pour lui dire « Cette vie que tu mènes n'est pas une bonne vie ». Il est dit ici au verset 3, « Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur les deux ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme le vit, il les reçut avec joie, comme si rien n'était. Et le verset 4 dit, « Son beau-père, le père de la jeune femme, les retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, ils y passèrent la nuit. » Et vous allez voir que ce beau-père, chaque fois que le monsieur, le lévite, va dire, « Bon, je vais repartir avec ma femme », il va lui retarder. Vous voyez, il vit dans la légèreté, dans la compromission. Il tolère, il ne se préoccupe même pas de savoir si la vie que menait sa fille était une bonne vie, si la relation avec ce lévite était normale. Vous voyez, ça c'est la compromission. Mission. Bien-aimés, en tant que parents, préoccupez-nous de nos enfants, de leur éducation, afin qu'ils mènent une vie de justice, une vie de bonne moralité, une vie qui glorifie le Seigneur. C'est pourquoi nous devons instruire nos enfants dans la voie du Seigneur, afin que, devenus grands, ils ne s'en détournent point. Troisième vérité, parfois ce sont des personnes sur qui nous comptons qui nous déçoivent. Vous voyez, c'est pourquoi nous ne devons pas nous appuyer sur les hommes, mais nous devons nous confier à l'Éternel. Regardez ici, ce jeune lévite, pendant qu'il cherchait quelque part où il pouvait être reçu, où il pouvait dormir, où il pouvait s'abriter, il pensait que lorsqu'il pouvait aller à Gibeah, qui appartenait à Benjamin, c'est là où il serait bien reçu. Son serviteur lui a demandé de passer la nuit à Jébus, qui est Jérusalem. Mais écoutez sa réponse. Verset 12. Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibéa. » Vous voyez, il y a des fois nous pouvons dire, « Ah, ça, ce sont des étrangers. Ceux-là, ce sont des étrangers. Nous devons aller vers nos compatriotes. » Mais vous voyez, ils vont être dans la confusion. La Bible nous montre parfois comment les étrangers peuvent recueillir bien les gens. Nous nous rappelons de l'histoire de la parabole du Samaritain. Cet homme qui était laissé à demi-mort, un lévite, un sacrificateur, l'ont laissé. Mais c'est un Samaritain, un étranger, qui l'a recueilli, qui l'a transporté pour le déposer à l'hôtellerie. Faisons attention. Mais regardez, il comptait sur les compatriotes, les gens de la tribu de Benjamin à Gibéa. Mais ils n'ont pas reçu. Il est dit au verset 15, il se dirigeait de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le lévite entra, il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui l'ait reçu dans sa maison pour qu'ils y passassent la nuit. Vous voyez, il n'y eut personne. Ceci nous rappelle ce que Jésus a connu. La Bible nous dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui va les recevoir, c'est un vieillard que nous allons voir. Ô bien-aimé dans le Seigneur, ne comptons pas sur les hommes. Les hommes peuvent nous décevoir, mais Dieu ne peut pas nous décevoir. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Nous allons bénir l'Éternel, lui qui nous révèle toutes ses vérités, afin que nous puissions nous confier à lui. Chantons ces cantiques pour sa gloire. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour nous, tous les anges l'ont saisi. Immolé. sainteté. L'univers qui sa majesté chante en gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Alléluia. Disons merci au Seigneur. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Il t'a gardé. Il t'a protégé. Il continue à te soutenir chaque jour. Il mérite que tu puisses lui dire merci. Élève ta voix. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi le Dieu fidèle. Les hommes peuvent nous décevoir, mais toi, tu es le Dieu plein d'amour. Tu es le Dieu qui pardonne et qui nous accueille favorablement quand nous nous repentons. Oh, sois béni notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu trois fois saint, mais qui a accepté d'habiter dans nos vies. Oh, nous t'élevons pour cela, nous te glorifions pour cela. Nous voulons te prier, oh notre Seigneur, notre Dieu, de nous aider à te glorifier à travers nos vies, à travers nos corps qui sont des temples du Saint-Esprit. Oh, nous t'élevons notre Seigneur, toi le Père d'amour, le Dieu qui aime en tout temps, le Dieu qui pardonne en tout temps, le Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Nous t'élevons dans nos vies et nous te bénissons. Toi, le Dieu redoutable, le Dieu incomparable, le seul vrai Dieu, le Dieu qui ne change pas, reçois en ce moment l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Nous prions chaque jour selon les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, le texte de base, c'est Juges 19, 1 à 15. Oui, ce passage nous montre les conséquences de l'immoralité, la légèreté, la dépravation dans la vie des enfants de Dieu et surtout dans la vie des serviteurs de Dieu. Un lévite qui était censé marcher dans la pureté, va vivre en concubinage avec une femme. Et cette dernière va être aussi infidèle et va vivre dans la prostitution. Bien-aimés, nous allons prier contre cet esprit de débauche, cet esprit de légèreté. Et prier pour que tous ceux qui vivent en concubinage, que le Seigneur les interpelle, qu'ils puissent régulariser leur situation ou qu'ils puissent rompre cette vie de concubinage au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Éternel Dieu, la terre t'appartient et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as créé le monde. Tu l'as fondé sur les mers. Tu as fermé les fleuves. Ta montagne est une montagne sainte. Pour s'élever vers toi, ô Père éternel, pour marcher dans tes voies, ô Père éternel, pour être en harmonie avec toi, nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons vivre avec la crainte de l'éternel. Nous prions ce matin, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, contre toute forme d'immoralité sexuelle, contre toute forme de légèreté dans le comportement, contre toute forme d'adultère et concubinage. Nous prions, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, que cet esprit soit dégagé de nos communautés. Nous prions, ô Père, contre toute forme de légèreté parmi les servantes et les serviteurs de Dieu qui sont supposés être des exemples. Nous demandons, ô Père éternel, que ta crainte habite chacune de tes servantes et chacun de tes serviteurs. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité sur toute forme d'immoralité sexuelle dans nos différentes communautés. Oh Dieu, lève-toi et que les ennemis de tes fils et de tes filles soient dans la dispersion. Que la crainte de l'Éternel nous habite. Que la sagesse de l'Éternel soit continuellement avec nous. Dans le nom de Jésus. Le diable est menteur et il est le père du mensonge. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les œuvres des ténèbres sont dispersées en notre sein. Je déclare dans le nom de Jésus que la crainte de l'Éternel habite chacun des fils et des filles de l'Éternel des armées. Merci Père éternel pour ta grâce et pour ton Esprit Saint qui fait maintenir la sanctification dans ta maison. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir l'importance des parents. Les parents ne doivent pas tolérer l'immoralité, la méconduite de leurs enfants. Prions pour nos enfants. Si tu as peut-être un enfant qui s'est méconduit dans la débauche, un enfant qui est drogué, un enfant, une jeune fille qui a quitté la maison, tu vas la recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas en tant que parent prier. Il ne faut pas tolérer que ton fils, ta fille mène une vie de péché. Prions l'Éternel afin qu'il nous aide à jouer notre rôle en tant que parents, d'éduquer les enfants, de leur montrer la voie droite du Seigneur. Prions le Seigneur. Nous te bénissons parce que ta parole est vraie, elle est vérité. Elle nous enseigne des choses très importantes pour la conduite de notre vie. C'est pourquoi tu nous dis dans Actes, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Tu nous as donné des enfants, tu nous as donné un mari, tu nous as donné une épouse. Notre vœu dans cette famille nucléaire, que nos enfants soient gagnés à toi. Écoute nos prières, ceux qui sont encore loin de la bergerie, ceux qui sont encore vivre, ô Dieu, dans des comportements qui ne te glorifient pas. Nous prions, Seigneur, à travers nos prières, à travers l'action de ta parole, que leurs âmes soient sauvées, leur cœur soit touché, leur esprit soit visité, Seigneur, afin qu'ils se donnent à toi. C'est notre désir, c'est notre vœu et c'est notre souhait. Viens à nos secours, Seigneur, ensemble pour t'acclamer, pour t'exalter, pour bénir ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, nous venons de voir que les hommes, ce que nous comptons, peuvent nous décevoir. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que tu es victime d'une déception. Il y a des gens sur qui tu comptais. Tu as un problème d'argent. Mais tes amis intimes, même les membres de famille, personne ne te vient en aide. Oh, tu vas prier pour dire, Seigneur, je vais me confier en toi. Car les hommes de ce monde peuvent me décevoir. Mais toi, tu ne me décevras jamais. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Que ton nom soit richement béni ce matin. Merci pour ta droite main puissante qui nous conduit, qui nous sauve, qui veille sur nous, qui nous protège. Tu es le Dieu de la délivrance. Merci parce que ton nom est l'Éternel des armées. Tu combats pour nous. Tu es notre Goël. Tu es notre puissant maître. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et tu fermes, personne ne peut ouvrir. Quand tu dis, la chose arrive. Tu ordonnes et toute chose existe. Ce matin, je prie que tu aides tous ceux qui espèrent en toi, tous ceux qui comptent sur toi pour pouvoir à leurs besoins, pour, ô Dieu, payer leurs factures, pour assurer la scolarité de leurs enfants, pour les divers besoins. Tes enfants crient de par ma voix. Cher Saint-Esprit, réponds, guéris, délivre, donne les moyens nécessaires, donne l'argent qu'il faut pour que tes enfants rendent témoignage à ton précieux et glorieux nom. Merci de visiter tes enfants. Merci de relâcher ta bénédiction sur tes enfants. Merci de faire rencontrer à tes enfants leur fortune financière. Change l'histoire de tes enfants financièrement et donne-leur de faire un pas de géant financier dans leurs activités, dans leur carrière, dans leurs projets. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. Sans